Fille du ciel, va, va, va, elle va, et toutes les forteresses d'un côté et d'autre de sa voix se mettent en son obéissance. On prend tambour battant Auxerre, Saint-Florentin, Brinon, Saint-Phal, trois essaient de résister. Les Troyens, à les entendre, voulaient résister jusque à la mort inclusivement. Bah, le inclusivement est de trop. Avant 3 jours, s'écrie Jeanne, par amour ou par force, nous entrerons dans Troie. On place l'artillerie, on amoncelle les fascines. Le lendemain, Troie capitule. Le 15 juillet, on entre à Chalon-sur-Marne. Le 16 juillet, on entre à Reims. Le 17 juillet, couronnement du roi de France. La cathédrale de Reims flambe de colonnes et d'encens. Le peuple innombrable crie Noël, Noël. Les trompettes sonnent à toute volée. La musique armagnaque joue la Marseillaise. Par les vitres aux entrouverts, des colombes désinvoltes entrent dans la blancheur, les ailes pleines de soleil et d'amour. Les voûtes de pierre calcaire se fleurissent d'émotions, retentissent d'éclats de tambour. Un enfant pleure dans la nef, intarissablement, exprimant par ses 2 petits yeux les larmes de toute la foule. Les syllabes latines s'accrochent aux gorges et aux arceaux. L'acide carbonique des respirations trouble l'atmosphère et les cœurs. C'est un de ces instants pathétiques où les pierres se soulèvent sur leurs lourdes ailes.